Chapitre 34e, la fin. Avril et mai avaient passé, et les derniers jours de Johnny Halliburton s'approchaient. Elle s'en allait paisiblement. Dans ce même mois de mai, il y eut dans le cœur de la cathédrale une autre place vacante. Le petit gare, trop grand pour qu'on pût l'appeler avec raison le petit gare, l'obtint. Ce sera un avantage pour moi que de savoir chanter quand j'aurai un presbytère, répétait gare, qui ne cessait d'affirmer qu'il serait pasteur. Gare, mon enfant, as-tu jamais calculé les dépenses? Je crains que tu aies bien de la peine à entrer à l'université. Labor omnia vincit, cria gare. Maman, tu nous as fait assez répéter notre latin pour savoir ce que cela signifie. Franck devra aussi calculer s'il veut devenir avocat. Petits orgueilleux, dit Madame Halliburton en riant. Maman, demanda Jenny, la respiration pressée, y a-t-il du mal dans leurs désirs? Nullement, ce sont des desseins louables. Seulement Franck et Gare sont si pauvres que je crois bien que leurs espérances seront déçues. Jenny appela Gare près de son sofa, et attirant sa tête à la hauteur de la sienne, elle lui dit tout doucement « Travaille bien, Gare, et aie confiance en Dieu. » Plus tard, comme Jane s'était absentée pour une course indispensable, Dobbs entra vers la petite fille et lui apportait des confitures. « J'en ai assez, Dobbs, » dit Jenny. « Tout me dégoûte, je n'aime pas le laisser voir. J'ai l'air si ingrate. »« C'est dans la nature de votre maladie, » répliqua Dobbs, qui croyait avoir pour mission de toujours donner de l'espoir à Jenny. « Vous serez mieux quand l'été sera là. »« Non, Dobbs, je ne serai jamais mieux. » L'indignation faillit étouffer Dobbs. « Qu'est-ce qui vous a fourré de pareilles idées dans la tête » demanda-t-elle. « C'est vrai, Dobbs. »« Vrai, » gesticula-t-elle. « Qu'est-ce qui vous a dit cela? Je veux le savoir. »« Maman, d'abord. Elle... Quelle vieille sotte !» cria Dobbs, effrayé cet enfant en lui disant qu'elle va mourir. « Cela ne m'effraie pas, Dobbs. » « J'aime bien y penser. » Dobbs se demandait si Jenny était bien dans son bon sens. « Vous aimez à penser que vous serez couché dans un cercueil et mis dans la terre froide jusqu'au jour du jugement, » articula-t-elle. « Mais Dobbs, vous en savez plus que cela, » fit Jenny. « Nous ne restons pas dans ce cercueil, ce sont seulement nos corps qui y sont, nous allons dans le monde des esprits. »« Des esprits, » répéta Dobbs, dont les notions de la vie à venir n'étaient pas très définies, et qui n'aurait pas été plus étonné si Jenny lui avait parlé grec. « Maman nous a expliqué toutes ces choses, » reprit Jenny. « Elle nous les a rendues très claires et nous a appris à n'avoir pas peur de la mort. Elle dit que c'est une erreur d'élever les enfants dans la crainte de la mort, comme si c'était quelque chose d'effrayant, au lieu de leur en montrer le bon côté. « Si j'ai jamais entendu pareille chose !» exclama Dobbs. « Comment est-ce que ça peut être agréable d'être mis à coups de marteau dans un horrible cercueil tout noir ?» Les larmes montèrent aux yeux de Jenny. « Oh, Dobbs, ne savez-vous pas que lorsque nous mourons, notre esprit, car c'est notre esprit qui pense, laisse notre corps derrière nous. Nous ne sentons plus rien, et nous restons dans la tombe jusqu'au dernier jour. C'est comme l'enveloppe que la chenille laisse après elle quand elle devient chrysalide. C'est la chrysalide qui est en vie, et non pas l'enveloppe. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme maman s'est donnée de peine pour nous expliquer tout cela. » Et elle m'en a beaucoup parlé dernièrement. « Et où est-ce que l'esprit va ? Je suppose que l'esprit, c'est l'âme ?» demanda Dobbs. Jenny secoua la tête. « C'est un mystère, » répondit-elle. « Mais maman nous a dit qu'il y a une place où nous serons tous réunis. L'âme qui est vivante ne pourrait pas être enfermée dans un cercueil, Dobbs. Quand Jésus-Christ a dit au voleur sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il parlait de ce monde-là. C'est un lieu de lumière et de repos. Et les bons et les mauvais y sont ensemble ? Jenny secoua encore la tête. Ne vous rappelez-vous pas, Dobbs, la parabole du riche et du pauvre ? Il y avait un abîme entre eux, et Abraham dit qu'il ne pouvait être franchi. Nous serons très heureux là-haut, bien plus heureux que dans ce monde de chagrin et de maladie. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de mourir ? Dobbs la regarda et resta quelques minutes sans parler. Pas peur de mourir, prononça-t-elle lentement. Moi, j'aurais peur. Les yeux de Jenny étaient humides. On n'a pas peur de mourir quand on a confiance en Dieu, Dobbs. Ne savez-vous pas, ajouta-t-elle avec enthousiasme, que beaucoup de gens en mourant ont vu Jésus qui les attendait? Qu'importe alors où nos corps sont déposés puisque nous allons avec Jésus? Non, Dobbs, il n'y a rien de triste dans la mort. Ce sont ceux qui ne la comprennent pas qui en ont peur. L'enfant est aussi savante qu'un ministre, se disait Dobbs. Le nôtre nous a dit dimanche soir que nous étions sur le chemin de la perdition. J'aime mieux la petite que lui, c'est plus encourageant. Aussi bien leur maman ne les a pas trop mal élevés. Le monologue fut interrompu par le retour de Madame Halliburton. Peu après elle, arrivèrent Mary Ashley et Annaline. C'était la première fois que Mary venait voir Jenny, à laquelle elle apportait de nouveaux livres. C'était une de ces enfants qui font plaisir à voir, avec sa robe de soie, son chapeau de paille orné de fleurs et de rubans, et ses jolies boucles brunes. Elle était plus jeune que son frère Henry, auquel elle ressemblait beaucoup. Une remarque de Dobbs amena la conversation sur l'état désespéré de Jenny, et Mary Ashley apprit avec étonnement qu'elle ne craignait pas de mourir. « Sa maman le lui a appris, » expliqua Dobbs. « Maman se donne beaucoup de peine pour nous, mais je n'aimerais pas mourir. Comment cela se fait-il ? » dit Mary en se tournant vers Madame Halliburton. « Jenny n'est pas plus âgée que moi et elle n'a pas peur de la mort. »« Ma chère enfant, je crois que ceux que Dieu veut enlever de ce monde, il les détache des plaisirs. Vous êtes forte et bien portante et la vie vous est agréable. Jenny est depuis longtemps si faible et malade qu'elle n'y trouve plus de joie. » Et cela lui fait naturellement souhaiter d'entrer dans ce monde de paix et de repos. Toutes choses sont bien ordonnées. Mary Ashley commençait à le penser. La vaniteuse Anna regardait avec envie le joli chapeau et les longues boucles de Mary. Elle, du moins, n'était pas fatiguée de la vie. La fin s'approchait de plus en plus. Un jour vint où Jenny ne put plus se lever, puis un second, puis un troisième. Le quatrième, Jenny, qui avait passé une bonne nuit en comparaison des nuits précédentes, était assise sur son lit quand ses frères entrèrent du collège. Ils se hâtèrent de déjeuner et coururent manger leur pain près d'elle. Madame Halliburton avait toujours, après le déjeuner, consacré quelques minutes à faire la lecture à ses enfants, et malgré l'importance de son temps, elle n'avait jamais négligé ce devoir. « Je vous ferai la lecture ici aujourd'hui, » dit-elle en les voyant tous autour du lit. « Maman, » interrompit Jenny, lis-nous ce qui est dit de la Sainte Cité dans le livre de l'Apocalypse. » Madame Halliburton ouvrit au 21e chapitre. Elle venait de lire le 23e verset. « Et le temple n'avait pas besoin de soleil ou de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairait, et l'agneau en est la lumière. » Quand Jenny se dressa sur son lit, les yeux fixés sur elle, Madame Halliburton s'arrêta et voulut la faire recoucher. « Oh, maman, ne me retiens pas, » dit-elle d'une voix perçante. « Ne me retiens pas. « Je vois la lumière, je vois papa !» Sa figure rayonnait de bonheur, un sourire ineffable qui parlait du ciel errait sur ses lèvres. Ses bras s'affaissèrent, elle se laissa retomber sur son oreiller. Jane Halliburton était allée vers son père céleste, peut-être aussi vers son père terrestre. Dobbs arriva au milieu de l'émotion générale, et quand Dobbs vit ce qui était arrivé, elle éclata en un orage d'accusations et de sanglots, prête à insulter Madame Halliburton et à frapper les pauvres enfants. Pourquoi ne l'avait-on pas appelée pour assister à ses derniers moments? La seule enfant qu'elle eût jamais aimée, elle n'avait pas pu lui dire adieu. Elle n'aimerait plus jamais personne jusqu'à la fin de sa vie. En vain, essayait-il de lui faire comprendre que tout avait été soudain, inattendu, instantané. Dobbs ne voulait pas écouter. Madame Halliburton se retira. Son cœur débordait. Quoiqu'elle eût su d'avance qu'elle devait être la fin de cette maladie, le coup lui arrivait tout aussi foudroyant. Dans l'amertume de son âme, elle fut tentée un instant, un seul instant, de mettre en doute la bonté et la sagesse de Dieu. Quelqu'un l'appelait au pied de l'escalier, elle descendit. Elle ne pouvait se livrer en paix à son désespoir. Annaline était là, prête à partir pour l'école. « Amie Jane Halliburton, « patience te fait demander des nouvelles de Jenny. Est-elle mieux ?»« Non, Anna, elle est morte. » Jane parlait avec un calme étrange. L'enfant courut épouvanté annoncer la nouvelle à Patience. Patience arriva aussitôt. Jane était dans un état de prostration complète. « Tu t'affliges trop. Il ne te faut pas prendre la chose ainsi. »« Oh, Patience, pourquoi ?» gémit-elle. « Pourquoi Anna est-elle dans la joie et la santé ? Et pourquoi mon enfant m'est-elle enlevée ? Oh, Dieu est bien dur pour moi. » « Ne dis pas cela, » fit gravement Patience, « ce n'est pas toi qui parles maintenant. Qu'est-ce que je t'ai entendu répéter à ton enfant il n'y a pas 8 jours ? Que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. »